L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Cinquième épisode. Bonjour, je me présente, je suis allemand. Je m'appelle Karl Rossmann. Celui qui ronfle là s'appelle Robinson. Il est irlandais. Moi, je suis de la marche, français. Malgré tout, on va avoir besoin de prendre des forces pour notre longue marche de demain matin. Il nous faut un vrai repas. Quelqu'un doit aller chercher à manger à l'hôtel, là, au bord de la route. Il me faut du lard, du pain et de la bière, à emporter, pour trois personnes. Vous allez le manger où ? Dehors. Regarde comme il est énervé. Énervé ? Vous trouvez ça bien de forcer la serrure de ma valise ? Alors, je dors à l'hôtel cette nuit, et demain matin, je ne vais pas avec vous à Butterford. L'hôtel occidental. Donc, vous êtes revenu. Et les autres, vos amis ? Je les ai abandonnés. Ils m'ont insulté. Alors vous êtes un homme libre ? Effectivement. Thérèse, ça suffit pour aujourd'hui. Bien, madame. Ah, et Thérèse ? Madame ? Quand tu viendras me réveiller demain matin, passe par le couloir. Je vais provisoirement donner la chambre attenante à la mienne à ce jeune homme. Entendu, madame. Bien. Est-ce que cela vous dirait de travailler ici à l'hôtel ? Ah oui, volontiers. Mais je n'ai aucune compétence. Ce n'est pas bien grave. Pour commencer, je peux vous trouver un travail qui ne demande aucune compétence particulière. Je vous en suis très reconnaissant. Donc je me présente, je m'appelle Karl Rossmann et Vous êtes allemand, j'entends. Oui, allemand. Mais allemand de Prague, en Bohême. Et moi je suis Grete Mitzelbach, de Vienne. Et j'ai travaillé un certain temps à Prague. À l'hôtel de Loi d'Or sur la place Venceslas. Vous le connaissez ? Ils l'ont démoli il y a 2 ans. Eh bien, formidable ! Un compatriote allemand ici dans la ville de Ramsès, État de New York. Il n'est pas question que vous partiez. Je vous propose un poste de liftier. Comme ça, vous serez en contact permanent avec la clientèle, chargé d'effectuer de petites commissions. Et chaque jour, vous aurez la possibilité d'obtenir de l'avancement. Je m'en occupe. Vous n'avez qu'à dire oui. Eh bien... Très bien, c'est chose faite. Et votre anglais ? L'anglais, je ne l'ai appris qu'en Amérique, donc... Donc votre anglais doit être formidable, j'en suis sûre. Je me souviens de mes premiers pas dans cette langue, il y a 40 ans déjà. L'horreur. Et hier, figurez-vous, c'était mon 50e anniversaire. Ah ! In that case, joyful anniversary and best of the wishes. Eh bien, ça promet. Voici votre chambre pour cette nuit. Après, vous aurez une place dans le dortoir des liftiers. Dortoir ? Il y a combien de liftiers dans cet hôtel ? Une 40aine à peu près. Et 30 ascenseurs. Alors, Guten Nacht ? Une chose encore. Il se peut que demain matin, mes deux camarades... Les malpropres. ...m'apportent une photo dont j'ai besoin de toute urgence. S'il est possible que quelqu'un à ce moment-là vienne me prévenir ? Je vais le dire de suite au portier. Pas mal, Rossmann. Ils ont même apporté ma valise dans la chambre. Où elle sera enfin en sécurité. Tu as déjà un visiteur ? Pas possible. Eh bien, si. Qui est là ? Vous ne voulez pas m'ouvrir ? Si, mais je suis déjà déshabillée. Peu importe. Écoutez, ouvrez, mettez-vous au lit et je rentre. C'est bon, je suis sous la couverture. Je ne reste pas longtemps. Je peux m'asseoir à côté du lit ? Il vaut mieux que je me rhabille, peut-être. Pas nécessaire. Vous comptez rester longtemps à l'hôtel ? Ce serait une bonne chose. Je m'appelle Thérèse Berchtelt. Et je viens de Poméranie. Que d'Allemands, ici ? J'ai 18 ans. Et... Je suis tellement seule ici. En plus, je risque à tout moment de me faire renvoyer. Au fait, quand vous êtes venue voir la chef cuisinière en bas, j'ai cru qu'elle allait vous engager comme dactylo et que vous alliez prendre ma place. Tu ne sais même pas taper à la machine. Je suis engagée comme liftier. Ah, liftier ? Un métier très fatigant, sans doute. Je viens de passer devant un jeune garçon liftier qui dormait debout devant son ascenseur. Et cela, même si les liftiers n'ont aucune raison de se plaindre. Ils ont plein de pourboires. Et ils sont pas maltraités comme le sont les gens de cuisine, parce que j'occupais avant de devenir dactylo. Elle parle comme elle tape. Vous préférez peut-être que je m'en aille ? Non, pas du tout. Mais je ne sais pas ce que vous voulez. Parler, c'est tout. Ce serait une bonne chose si vous restiez. Si cela vous convient, nous pouvons devenir amis. Bien entendu. J'ai confiance en vous. Et pour dire vrai, pendant tout le temps que vous étiez en bas, j'ai pensé que finalement, ce serait bien que vous me remplaciez parce que vous vous entendez mieux que moi avec Madame Mitzelbach. Je pourrais éventuellement vous céder ma place, tout en continuant à faire les courses en ville. Je suis assez robuste, je pourrais être utile aux cuisines. Assez, puis... Thérèse. L'affaire est réglée. Vous en êtes sûre? Soyez rassurée, Thérèse. Vous resterez secrétaire et moi, je serai liftier. Oh, mais il faudra pas dire à Madame la chef cuisinière que je suis venue sans quoi... Je serais vraiment perdue. Bien entendu, je ne dirai rien. Allez, Rosemann. Elle est tout près de ton lit. Essaie de la calmer, caresse-lui le bras au moins. La vie dans ce pays a l'air d'être bien amère. Un peu de réconfort lui ferait du bien. Donc, il semble que vous soyez faite pour réveiller les gens de bon matin. Oui, on dirait que j'ai du talent. Regarde-moi dans la glace. Regardons-nous dans la glace, Rosemann. Oui, bien sûr, mon alter ego. Regarde ces boutons et ces rubans dorés. Et en prime, l'odeur de sueur des garçons qui l'ont porté avant toi, cet uniforme. Avec un pantalon chic et un veston rouge vif. Qui te sert de partout et te coupe la respiration. Bon, Rosemann, je suis le maître d'hôtel. En tant que liftier, vous êtes soumis à mon autorité. Vous allez travailler dur, au moins 12 heures par jour. Au début, vous allez être épuisé après seulement quelques montées et quelques descentes, mais avec le temps, ça finira par faire de vous un homme. Un vrai. C'est un phénomène tout à fait américain. Voyez ce jeune garçon frêle, par exemple. Tiens, viens par ici, toi. Si. Il a les yeux presque fermés, il s'écroule de fatigue dans son ascenseur. Il est arrivé aux États-Unis il y a 6 mois avec ses parents, des Italiens. Pour le moment, le pauvre ne tient pas le coup. Il s'endort au travail, son visage est tout maigre. Il lui faut en effet encore 6 mois au rythme américain avant de commencer à supporter toutes les tâches qu'il a à faire. Mais dans 5 ans, vous verrez, ce sera un homme solide. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples similaires, mais je n'ai pas de temps à perdre. C'est le petit Italien qui vous expliquera quelles sont vos tâches. Tiens, occupe-toi de lui, toi. Oui. Bonjour. Bonjour. Rosemann. Karl Rosemann. Allemand. Et toi? Italiano. Jack. Jack. Ben, Giacomo. Mais quand les Américains le prononcent, ça devient du chinois, donc Jack. Tu pourrais me montrer comment ça marche? Tu te sens assez doué pour appuyer sur un bouton? C'est tout? Quoi d'autre? Et le mécanisme? Ça te regarde pas. C'est les mécaniciens qui s'en occupent. Toi, tu lèves ton chapeau, tu souris, même au connard, surtout au connard, et ensuite tu appuies sur le bouton. Donc nous partageons le même ascenseur, toi et moi? Et non. À cause de toi, je ne suis plus liftier. Je suis banni des ascenseurs. Je dois aider les femmes de chambre à changer la literie. Boulot déshonorant, surtout pour un Italien. Allez, ciao! Rien d'autre à me conseiller? Si. Apprends à dormir debout dans ta cabine quelques instants, par-ci, par-là, sinon tu tiendras pas le coup. Mais surtout, évite de te faire prendre par le maître d'hôtel. Je suis très fier de mon ascenseur. Et ça déjà après 1 semaine. Regarde ces cuivres, comme ils sont parfaitement astiqués. Oui, mais il ne dessert que les étages supérieurs. Tu n'as pas de clients riches. Tant mieux, ils sont trop exigeants. Mais ils donnent les meilleurs pourboires, mon vieux. De toute façon, les pourboires, il y en a. Et j'ai appris, en bon américain que je suis devenu, à les saisir au vol et à les empocher en un tournement, sans montrer ma satisfaction aux clients. J'ouvre la porte aux dames avec un brin de galanterie et me glisse patiemment dans la cabine derrière elles, car j'ai remarqué qu'elles entrent plus lentement que les messieurs pour éviter de froisser leurs jupes. En montant, je me tiens contre la porte, le dos au passager, pour pouvoir ouvrir instantanément dès l'arrivée. Il faut faire vite. Time is money. À la sortie des théâtres ou bien à l'arrivée des trains de grande ligne, il y a une telle affluence qu'il faut monter et redescendre en utilisant la vitesse maximum, afin d'embarquer tous les gens qui attendent dans le vestibule, même si un excès de vitesse est défendu et même dangereux. J'utilise ce procédé uniquement quand l'ascenseur est vide de passagers. Je file à toute allure depuis le haut jusqu'en bas en tirant sur le câble. Déjà, certains clients me reconnaissent comme leur liftier. Ils me chargent de temps en temps d'une petite commission et quand je trouve ce qu'il leur faut, je le leur porte dans leur chambre. Et là, je peux admirer, suspendu à des cintres, des habits comme je n'ai encore jamais vu nulle part ailleurs, et respirer le parfum délicat de certaines savonnettes inconnues de moi qui suis quand même européenne. Allez, Et moi qui pensais, après avoir passé 12 heures debout sans faire la moindre pause, dormir un peu. Dans le dortoir des liftiers, tu plaisantes? Personne dort ici, jamais. On boxe, on joue aux cartes, on fume la pipe. C'est Renel, américain de souche, le plus beau des liftiers. Toujours dans son beau costume, légèrement parfumé. Joli garçon. Dis, Rossmann, tu pourrais pas me remplacer cette nuit? Encore? Je t'ai déjà remplacé 3 fois cette semaine. Des obligations familiales, tu sais. Familiales, mon œil. Le bruit court qu'il va rendre visite à une dame nettement plus âgée que lui, qui habite depuis longtemps au premier. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Je suis vraiment épuisé. Juste pour cette nuit, je te remplacerai demain. J'aurai craché. Ce qu'il dit toujours, mais qu'il ne fait jamais. On l'a même chopé en train d'embrasser cette femme dans l'ascenseur alors qu'il se croyait seul avec elle. Et le comble, c'est qu'il ne dort plus du tout ici, dans le dortoir. Bon. Vas-y. Commercial correspondence in the USA. First lessons. C'est pour ton bien. Tu veux pas rester liftier toute ta vie? C'est madame la chef cuisinière qui insiste. Elle a des projets pour ton avenir. Et moi aussi. Tu dois forcément apprendre le commerce américain. So, go on. How to apply for a job in the USA. Oui. Donc, je suis l'employeur. Et toi, tu es assis devant moi. Dans mon bureau au 60e étage d'un gratte-ciel. Il faut me convaincre. So, Mr. Rossmann, what was your last employment? Quel cauchemar! Yes, sir. Thank you, sir. My last employment have been to... What? Was to be... Comment dire liftier? Elevator boy. I have been... Was? I was elevator boy. Un elevator boy. Comment ça? L'article. Il faut un article. Il te faut un article, Rossmann. Tu devrais m'accompagner plus souvent faire les courses à Ramsès. Plus souvent? Tu sais bien que je n'ai qu'un seul jour de libre par semaine. Et même ce jour-là, il m'arrive parfois de remplacer un autre liftier. Je suis gelée. Et moi alors? C'est mon premier hiver dans l'état de New York. Le vent m'arrache presque la peau et me frappe au visage. On peut à peine marcher, c'est désespérant. Ah! Nous y voilà. Il y a tellement de monde. Je dois attendre à chaque fois une demi-heure avant d'être servi. Et pas avec moi. C'est mon tour. Wow! Nous venons faire des courses pour l'hôtel Occidental. L'hôtel Occidental n'est pas un client à prendre à la légère. Alors, vous nous servez ou pas? Ils comprennent pas. Il vous faut leur dire tout ça en bon anglais. Raté, Rossmann. Histoire classique d'immigrés. Mon père travaillait dans le bâtiment à New York. Et après un certain temps, il nous a fait venir de Poméranie, ma mère et moi. J'avais 5 ans à l'époque. Mais en nous voyant arriver, une femme malade et une enfant frêle, ça l'a complètement découragée. Et très vite, il est parti pour le Canada. En nous abandonnant dans le fameux Lower East Side, véritable bourbier où s'entassent les étrangers pauvres. Un soir d'hiver, on se traînait dans les rues en cherchant un abri. Ma mère avait perdu son travail. On n'avait pas un sou. Elle crachait du sang. Mais on lui avait promis une place sur un chantier le lendemain matin. Comme personne ne voulait de nous, un peu après minuit, nous avons abandonné notre recherche et dormi dans la rue. Au petit matin, ma mère s'est aperçue que j'avais perdu mon sac qui contenait les quelques vêtements que je possédais. Alors, elle s'est mise à me frapper comme une folle. Ensuite, nous sommes arrivés sur le chantier. Ma mère m'a demandé de l'attendre en bas. Elle est montée sur l'échafaudage à la recherche du contremaître. Tellement elle était épuisée, elle s'est pas rendue compte qu'une partie de la passerelle en bois était sans barrière de protection. Je l'ai regardée tomber dans le vide. Des planches et un tas de briques l'ont suivie dans sa chute et se sont abattues sur elle. Guten Tag, Carlchen. Wie geht's? Bien, merci madame la chef cuisinière. Au 16e, comme d'habitude? Oui, merci. Je vous en prie. Je n'entends que des compliments à votre sujet, Karl. Merci, madame. Vous êtes vraiment un bosseur, tout le monde l'a remarqué. Dites-moi, Karl, vous ne voudriez pas une petite chambre rien que pour vous, plutôt que de souffrir dans le dortoir, toujours du bruit, toujours de la fumée, des odeurs? Je pourrais vous arranger ça, si vous le souhaitez. Je vous suis très reconnaissant, madame la chef cuisinière, mais franchement, je ne veux pas que les autres liftiers m'envient ma position ici. C'est un très noble sentiment, Karl. De toute façon, vous allez voir, en très peu de temps, vous allez monter en grade. Vous ne resterez pas longtemps liftier. Auf Wiedersehen. Alors, Rossmann, a star is born. Ton étoile est ascendante. Tu es le chouchou de l'hôtel. Rossmann, Renel, te voilà, je t'ai cherché partout. Je te dis non avant que tu me le demandes, Renel. Je ne peux pas te remplacer ce soir, j'ai d'autres engagements. Mais c'est pas pour ça que je te cherche. Un ami à toi vient de me poser des questions à ton sujet alors que j'entrais à l'hôtel. Un ami? Un Français. Un certain Delamarche. Delamarche? Je n'ai plus rien à voir avec ce Delamarche. Et toi, Renel, tu ferais bien de l'éviter aussi. Il a l'air sympathique quand même. Il m'a semblé très préoccupé par ton sort. Méfie-toi de lui. Tu as promis à Thérèse de ne plus jamais de la vie parler à Robinson ou à Delamarche. À la suite de tes récits, elle a fait des cauchemars, Rossmann. Je tiendrai ma promesse. Ne t'en fais pas, Rossmann. Journée assez chargée donc pour Karl Rossmann. Étoile montante de l'hôtel occidental dans la ville de Ramsès, état de New York, en Amérique. Ville qu'on ne trouvera sur aucune carte. Le liftier d'à côté est parti pour une commission, laissant à Karl le soin de s'occuper des deux ascenseurs à la fois. Des montées et descentes incessantes et épuisantes, même si Karl est très fier de penser qu'il fait bien son travail. Après 4 heures du matin, le calme règne enfin dans le vestibule et dans l'esprit de Karl Rossmann. Mais il lui reste encore des heures de service à faire. Il s'appuie contre la grille de son ascenseur tout en mangeant une pomme. Avant de fermer les yeux pour les reposer quelques instants, il regarde en bas par une bouche d'aération donnant sur un cellier et devine, à leur couleur, de gros régimes de bananes suspendus dans l'ombre. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zein Meyrowitz. 5e épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Alain Fromager, Delamarche, Valérie Moinet, la chef cuisinière, Lynn Thibault, Thérèse, Clément Lagarde, Giacomo, Dominique Parent, le maître d'hôtel, Grégory Kidel, Renel. Et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Nicolas L, Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Villegard, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zand.